L'important, c'est d'avoir un rapport animal avec l'animal. Ce que je supporte pas, c'est le rapport humain avec l'animal. J'habite une rue, là, et où les gens promènent leurs chiens. Ce que j'entends de ma fenêtre est proprement effarant. Le doute, c'est pratiquement ce qu'on sait faire de plus beau. Il y a tellement de diversité, tellement d'intelligence. La matière et ses atomes. C'est le moment où véritablement quelque chose a lieu. Et ce procédé devait mener à la séparation du chlorure de radium. Néandertal était différent, et pourtant si proche d'Homo sapiens. L'espèce humaine est une espèce animale très proche des grands singes. Nous avons 98,8% de patrimoine génétique en commun avec les chimpanzés et les bonobos. Et de récentes études montrent que les animaux sont aussi proches de nous par leur intelligence, leur culture, leur mémoire ou leur conscience. Georges Chapoutier va dans cet épisode nous raconter comment nos mentalités ont évolué au fil des siècles vis-à-vis du monde animal. Ce chercheur étonnant partage depuis toujours sa vie entre deux centres d'intérêt, la neurobiologie et la philosophie. Georges Chapoutier est directeur de recherche émérite au CNRS. Il a vécu avec des chimpanzés, a partagé sa vie avec des chats et même des rats de laboratoire qui l'apprivoisaient et qui échappaient ainsi à la paillasse. Georges Chapoutier est l'auteur de nombreux livres sur le cerveau et sur les animaux. Les Aventuriers, une émission de Fabienne Chauvière sur France Inter. Il y a au fond trois grandes manières de concevoir le statut de l'animal au travers des civilisations, au travers de l'histoire. L'animal humanisé, l'animal objet et l'animal être sensible. La conception la plus répandue a été celle de l'animal humanisé. Dans la majorité des civilisations, l'animal est compris comme une sorte de petit homme à qui on attribue des capacités, des facultés humaines. Les exemples sont très nombreux. Dans l'Occident du Moyen-Âge, par exemple, il y avait ce qu'on appelait des procès d'animaux, c'est-à-dire que lorsqu'un taureau, par exemple, était soupçonné d'avoir blessé ou tué un être humain, il était emmené devant un tribunal, jugé, défendu par des avocats, et s'il était condamné, il pouvait être éventuellement pendu à la sortie. Donc il était traité comme un justiciable humain, je serais tenté de dire. L'exemple le plus spectaculaire de ces procès d'animaux a été, au temps de Louis XII, le procès intenté par l'évêque d'Autun contre les rats, qu'il voulait faire excommunier parce qu'il transmettait la peste. L'évêque d'Autun a perdu son procès. Et on le sait parce que l'avocat des rats, qui s'appelait Barthélemy Chassanet, a écrit un livre dans lequel il raconte comment, avec des arguments tout à fait sérieux, il a défendu ses petits clients à quatre pattes et il a permis qu'ils ne soient pas condamnés. Dans la plupart des civilisations, encore une fois, l'animal est perçu comme un petit homme. Alors, on le trouve, bien entendu, en Occident, de nos jours, dans la littérature, où les fables, les contes, présentent très nombreux animaux humanisés, dont le but est en général de donner une leçon de morale pour le comportement de l'homme. Même si, par exemple dans les fables de La Fontaine, les traits originaux de ces animaux peuvent être maintenus, la ruse pour le renard, etc. On la trouve aussi, cette humanisation, dans toutes les remarques populaires. Courageux comme un lion, paresseux comme une couleuvre, etc., etc. Dans beaucoup de religions, disons dans l'essentiel des religions polythéistes, l'animal est non seulement humanisé, mais même divinisé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de frontière nette entre les hommes, les animaux, les dieux. Les exemples sont extrêmement nombreux. Dans l'Égypte ancienne, des quantités d'êtres qui sont des dieux, qui ont des têtes d'animaux, qui ont des corps d'animaux, etc. Il y a des mélanges hommes-animaux, comme le sphinx, etc., etc. Je ne rentre pas dans les détails, c'est extrêmement fréquent. Les mélanges entre l'homme et l'animal sont connus même dans la Grèce antique, par exemple, dont nous sommes les héritiers. Le dieu Pan avait des pattes de bouc, il y a des divinités mineures, comme les centaures qui sont des chevaux à buste d'homme, par exemple. Le roi des dieux, Zeus, n'hésite pas à se transformer en taureau pour séduire des mortels, etc., etc. La conception de l'homme animal dieu existe aussi dans d'autres civilisations, bien sûr. Au Nouveau Monde, Quetzalcoatl est un serpent à plumes. Et de nos jours, dans les grandes religions de l'Asie, jaïnisme, bouddhisme, hindouisme, il y a des dieux animaux. Par exemple, le dieu des marchands et des voyageurs de l'hindouisme, Ganesh, est un dieu éléphant, qu'on représente souvent avec une tête d'éléphant. Outre cette divinisation des animaux, qui rend le passage homme-animal-dieu très ténu, il y a un phénomène qu'on appelle la métempsychose. C'est la croyance que, après la mort, l'âme peut se réintégrer dans un corps animal. Et ici encore, dans une grande proportion des religions polythéistes, on croit dans la métempsychose. C'est vrai, bien sûr, de nos jours dans les religions de l'Asie que j'évoquais, le jainisme, l'hindouisme, le bouddhisme, où on pense qu'il y a des vies successives qui peuvent être des vies faites sous la forme d'un animal, mais c'est vrai dans beaucoup de civilisations. Dans la Grèce antique, je rappelle qu'on croyait dans la métempsychose, que le grand philosophe Platon croyait dans la métempsychose, donc il ne faut pas oublier ça non plus. La deuxième conception qu'il faut évoquer, c'est celle de l'animal-objet. Depuis les thèses de Descartes, en Occident, qui sont un peu fondatrices de cette conception de l'animal-objet chez nous, la différence est très nette. Pour Descartes, le corps, des animaux comme de l'homme, sont des systèmes matériels qu'on peut analyser. Et sur ce point, il a raison. En ce sens, il fonde la biologie, qui va analyser le corps comme un système matériel. Seulement, Descartes ne s'arrête pas là. Il dit, non seulement les animaux et les hommes ont des corps matériels, qui sont des objets, que Descartes assimile maladroitement aux automates de son temps, qui sont des systèmes un peu simplistes, mais l'homme, il a en plus une âme, qui relève de Dieu. C'est le dualisme cartésien de l'âme et du corps. Et donc, par cette âme, l'homme échappe à son statut d'animal pur, ou d'objet pur, et devient quelque chose d'autre. L'animal, lui, n'ayant pas d'âme, est un pur objet, et en quelque sorte, ne possède aucune capacité intellectuelle forte. 1644, René Descartes, Principe de la philosophie. Je ne connais aucune différence entre les machines que font les artisans et les divers corps que la nature seule compose. Sinon que les effets des machines ne dépendent que de l'agencement de certains tuyaux ou ressorts qui sont toujours si grands que leurs figures et mouvements se peuvent voir, au lieu que les tuyaux ou ressorts qui causent les effets des corps naturels sont ordinairement trop petits pour être aperçus de nos sens. Jusqu'à une date récente, l'Occident considérait les animaux comme des objets, comme des machines. Mais une partie de l'Occident seulement, disons la philosophie officielle, celle qui va sous-tendre la biologie avec Claude Bernard et quelques autres. Cette thèse de l'animal-objet va d'ailleurs être caricaturée par Malebranche, qui tapait sur des chiens et lorsque la pauvre bête aboyait, disait « Regardez, c'est comme une horloge qui sonne l'heure ». Ce qu'il faut savoir aussi quand même, c'est que à toutes les époques, et même à l'époque de Descartes, il y a toujours une opposition à cette conception. Disons que l'homme de la rue ne marchait pas. Et comme exemple, je voudrais donner une citation de Madame de Sévigné, qui est un peu le pendant de la citation de Descartes qui vient d'être lue. Voilà, voici ce qu'écrit Madame de Sévigné, à l'époque même de Descartes. « Des machines qui aiment, des machines qui ont une élection pour quelqu'un, des machines qui sont jalouses, des machines qui craignent, allez, allez, vous vous moquez de nous, jamais Descartes n'a prétendu nous le faire croire. » Donc il faut bien voir que cette position cartésienne, qui est dominante en Occident jusqu'à une date récente, jusqu'à aujourd'hui on peut dire, jusqu'au milieu du XXe siècle, disons, si on veut fixer les idées, cette position a toujours eu des opposants. Madame de Sévigné à cette époque-là, et puis au fur et à mesure de l'histoire, des gens comme Victor Hugo, un certain nombre de gens, se sont opposés à cette conception de l'animal-objet, si j'ose dire. De nos jours, cette conception est quand même largement répandue encore. Je vais vous donner un exemple. Il y a une maladie qui s'appelle la fièvre aphteuse, qui est une maladie qui se transmet dans les troupeaux d'animaux, pas à l'homme. Lorsqu'un troupeau a un animal atteint de fièvre aphteuse, on tue tout le troupeau. Et vous avez peut-être vu ces montagnes de cadavres dans des photos. Eh bien, l'argument qu'on donne à ce moment-là, c'est « ça coûte moins cher de les tuer que de les vacciner ». Donc ça, c'est bien un argument de traiter l'animal comme un objet, sans aucun respect particulier pour lui. Donc finalement, cette notion de l'animal-objet a été extrêmement répandue dans l'Occident, elle l'est encore. On peut peut-être même dire qu'elle est dominante, mais s'y oppose aujourd'hui une conception beaucoup plus correct de l'animal, issu de la science, qui est celle de l'animal être sensible, selon laquelle l'animal est un être sensible, parent de l'homme, sans être exactement son identique. Ce qui est très amusant, c'est que cette conception résulte du développement même de la science cartésienne, puis bernardienne. À force d'analyser l'animal, de le découper pour savoir comment il fonctionne, ce qu'ont fait tous les biologistes depuis Descartes et Claude Bernard, on s'aperçoit qu'il fonctionne comme nous. Au moins que pour les animaux les plus proches de nous, il y a une ressemblance extraordinaire entre la façon dont ils fonctionnent et la façon dont nous fonctionnons. la physiologie, les gènes, nous avons des gènes, nous avons 98% de gènes communs avec les chimpanzés par exemple, notre fonctionnement physiologique est le même que les mammifères au moins, nous mangeons comme eux, nous excrétons comme eux, nous nous reproduisons comme eux, nous respirons comme eux, nous avons les mêmes maladies qu'eux, et d'ailleurs beaucoup de maladies passent facilement entre les hommes et les animaux. Bref, à force de dire qu'il y a une coupure cartésienne entre l'homme et l'animal, la science montre qu'il n'y a pas de coupure tellement grande que finalement ils se comportent comme nous. Ajoutez à cela la dimension d'une théorie extraordinaire qui est celle de l'évolution, qui a été développée par différents auteurs et notamment par Darwin, et qui montre que non seulement l'homme et l'animal sont proches, mais qu'ils dérivent les uns des autres. En d'autres termes, que l'homme est issu d'une lignée de primates, qu'il est cousin des chimpanzés, des orang-outans et des gorilles. Donc le fait est que non seulement l'animal nous ressemble, mais que nous sommes un animal parmi d'autres. Cela a amené bien sûr à changer les mentalités, au moins sur le plan théorique. C'est-à-dire que dans notre pays, par exemple, plus grand monde ne met en doute la thèse de l'évolution, c'est-à-dire qu'on est cousin des chimpanzés. C'est pas admis partout. Ça a mis un certain temps à passer en Occident. Il faut considérer que jusqu'au début du XXe siècle, l'ensemble de la culture occidentale était assez réticente aux thèses des scientifiques. C'est venu maintenant. Il y a quelques rares îlots intégristes qui contestent encore la théorie de l'évolution en France. Il y en a très peu. C'est pas le cas dans tous les pays. Par exemple, dans le Middle West américain, il y a tout un courant qui vise à contester la thèse de Darwin, c'est-à-dire à contester les faits scientifiques. Même chose dans les pays musulmans. Donc, bien sûr, la religion a eu son mot à dire là-dedans. La religion, avec grand plaisir, avait adopté les positions cartésiennes. C'était très commode de dire, il y a l'animal d'un côté, qui est un objet, qui est une machine, et puis il y a l'homme, qui a été créé par Dieu, qui a une âme, qui est un être supérieur. Très longtemps, la religion a adopté cette position. Et évidemment, les évidences scientifiques se sont accumulées pour la théorie de l'évolution. Alors tout cela, d'autre part, a amené à ce que beaucoup de scientifiques s'intéressent aux animaux, à la douleur des animaux, et même, de façon récente, au comportement des animaux les plus évolués, ce qu'on appelle l'éthologie, et qui fait des bonds extraordinaires tous les ans. En 1960, Serge Gainsbourg chantait « Sois belle et tais-toi ». Le rabier recoule le moineau, pépi caquette, la poule jacasse la pie, le chameau blatère et le hibou hurle, râle la panthère et craque la grue. Toi, toi, toi, toi, sois belle et tais-toi. L'éléphant barrette la jument et nie, ulule la chouette belle la brebis. Le crapaud coasse, piaule le poulet, le corbeau croasse, cajole le jet. Toi, toi, toi, toi, sois belle et tais-toi. Le cerf brame, l'âne brêle, le lion rugit, cancane la canne, le taureau mugit, le dindon glouglotte et braille le pan, la caille margotte, siffle le serpent. Toi, toi, toi, toi, sois belle et tais-toi. Biologiste et philosophe, Georges Chapoutier, directeur de recherche au CNRS, a expliqué que l'on a longtemps considéré l'animal comme un petit homme, on l'a humanisé. Avec Descartes, il est devenu objet, machine. L'animal, doté d'intelligence et de sensibilité, est une conception nouvelle qui doit beaucoup à l'éthologue Konrad Lorenz. Il s'exprimait le 24 juillet 1964 à la télévision dans l'émission Visa pour l'avenir. Je voudrais que vous nous parliez maintenant de votre méthode de travail. Je crois que une de ses caractéristiques essentielles, c'est de replacer toujours l'animal dans ses conditions naturelles. Oui, c'est vrai. Le comportement des animaux, le système nerveux, est un des systèmes des plus compliqués qu'il est dans le monde. Et en approchant un système, On ne peut pas isoler arbitrairement un part et l'étudier isolément. On ne peut pas faire ça. Il faut avoir une vue générale de l'individu. Il faut avoir une vue générale d'abord. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas isoler et expérimenter plus tard. Mais le commencement de l'étude d'un comportement d'une espèce, c'est toujours l'étude de l'organisme et son comportement entier dans l'environnement naturel. Konrad Lorenz était donc un naturaliste allemand qui a beaucoup étudié les animaux sur le terrain. Konrad Lorenz est l'un des exemples de ces éthologistes qui ont permis le développement de l'éthologie moderne et qui montre justement que par rapport aux écoles qu'il y avait avant, je pense à l'école réflexologue de Pavlov ou à l'école behavioriste de Watson, qui étaient des écoles extrêmement mécanistes, qui voyaient dans l'animal une certaine forme de machine, Lorenz a montré que dans son milieu, l'animal était quelque chose de beaucoup plus souple, lié à la théorie de l'évolution, et donc qu'il y avait des capacités assez extraordinaires des animaux, et ça a été le début de l'éthologie telle qu'on la pratique aujourd'hui, qui montre que finalement, les animaux les plus céphalisés, ceux qui ont le cerveau le plus puissant, ceux qui sont pas trop loin de nous, je suis tenté de dire, en gros, les vertébrés et puis les mollusques céphalopodes, comme les pieuvres, sont beaucoup plus intelligents que ce qu'on avait cru, et font des choses assez extraordinaires. À la suite de Lorenz, on peut dire que tous les éthologistes ont fait évoluer la conception de l'animal vers une conception d'un être complexe, sensible et très proche de l'homme à certains égards. Par exemple, Tinbergen qui a beaucoup étudié les oiseaux, par exemple von Frisch qui a découvert le proto-langage des abeilles, par exemple plus récemment Jane Goodall qui s'est beaucoup intéressée au comportement des chimpanzés sauvages en montrant que chaque chimpanzé avait une personnalité différente de celle de ses voisins, et puis plein d'autres chercheurs très éminents dont les travaux se poursuivent de nos jours. Le 17 janvier 2006, la primatologue Jane Goodall s'exprimait à l'UNESCO. J'aimerais vraiment vous remercier tous de parler pour les chimpanzés. Mais j'aimerais aujourd'hui également apporter la voix des chimpanzés ici à l'UNESCO. Et je suis sûr que si les chimpanzés savaient ce qui se passe ici aujourd'hui, ils seraient très excités. Et s'ils avaient été présents ici, je vous assure qu'ils auraient manifesté leur enthousiasme si fortement qu'on ne se serait pas entendu dans cette salle. Alors je leur laisse la parole. Voilà ce que vous pourriez entendre si vous veniez à Gombe. Et cela veut simplement dire bonjour, c'est moi. Bon, je voudrais d'abord saluer Jane Goodall qui a fait un travail extraordinaire sur les chimpanzés. Oh, oh, oh, oh. Et dire combien j'apprécie le travail qu'elle a fait, je crois que parmi les pionniers des études sur les grands singes, c'est vraiment elle qui a le rôle le plus important. On peut dire que de nos jours, pour les gens raisonnables, c'est-à-dire les chimpanzés sont très proches de nous, au point que un chercheur américain, Diamond, a écrit un livre qui s'appelle « Le troisième chimpanzé », dans lequel il dit en substance que l'homme est un chimpanzé à côté des deux autres espèces, le chimpanzé ordinaire et le fameux bonobo. En d'autres termes, nous sommes des chimpanzés. Et ce qui est absolument évident, même si on a des particularités. On est des chimpanzés, très clairement, dans tout ce qui concerne notre comportement social, sexuel, émotionnel. On n'est pas différent du tout. Bien sûr, on a un cerveau puissant qui nous permet d'analyser le monde. Et c'est vrai que sur ce point particulier, l'homme se distingue. Alors, outre l'intelligence, il faut aussi insister sur la sensibilité des animaux, qui a été mise en évidence par la science. Qu'est-ce que ça veut dire que l'animal est un être sensible? C'est un point qui est passé dans notre loi, dans notre code civil. En fait, il faut bien préciser de ce dont il s'agit. Sensible, c'est un terme très général. La plante est un être sensible à la lumière. La pellicule photo est un être sensible à la lumière. Donc quand on parle d'être sensible pour les animaux, il faut bien préciser qu'il s'agit d'une sensibilité nerveuse, qui appelle à des neurones, des fonctionnements nerveux, avec une sensibilité qu'a le corps à tous les éléments qui peuvent lui être nocifs. Ce qu'on appelle la nociception. La nociception, c'est le fait que le corps, la majorité des animaux, possède des récepteurs qui permettent à l'animal de savoir ce qui est dangereux pour son corps. Et dans ce cas, l'animal peut soit fuir, soit retirer le membre qui est menacé, etc. L'écrasante majorité des animaux ont des mécanismes de nociception, à l'exception de quelques rares, comme les éponges, par exemple. Il y a quelques animaux qui se comportent comme des plantes et qui n'ont pas de mécanisme nerveux. La nociception est une chose. Maintenant, il est clair que dans la plupart des cas, elle est inconsciente. Lorsque vous approchez une source chaude d'une moule, par exemple, l'animal va avoir une réaction de retrait d'une partie du manteau, par exemple, mais ça ne veut pas dire que l'animal est conscient de ce qu'il fait. La question qui se pose, c'est de savoir à partir de quand la nociception devient douleur ou souffrance. Alors, les définitions scientifiques sont les suivantes. On peut parler de douleur lorsqu'à la nociception s'ajoutent des émotions, et on peut parler de souffrance lorsqu'à la nociception s'ajoute une conscience, une cognition, une compréhension de ce qui vous arrive au point de vue nocif. À partir de ces définitions, il y a deux groupes chez qui les notions de douleur et de souffrance sont peu discutables. Ce sont les vertébrés, c'est-à-dire tous les animaux qui ont un système vertébral, poissons, amphibiens, reptiles, oiseaux et mammifères. Et puis, les fameux mollusques céphalopodes, comme la pieuvre, qui sont des animaux tout à fait étonnants, sont des invertébrés, mais qui ont une intelligence assez remarquable et une sensibilité assez remarquable. Donc, dans ces deux groupes, on peut considérer qu'il y a des mécanismes de douleur et de souffrance. Et chez les vertébrés, ils sont même très connus au point qu'on connaît les organes qui sont responsables. Chez les vertébrés, tous les vertébrés, depuis les poissons jusqu'aux mammifères et aux oiseaux, on sait que l'émotion est portée par un système qu'on appelle le système limbique, qui existe chez tous ces animaux et qu'on connaît bien, et que la souffrance est portée par un système cognitif qu'on appelle le cortex cérébral, qui existe aussi chez tous ces animaux et qu'on connaît bien. Et on a de bons arguments pour penser que chez les pieuvres, il y a des régions cérébrales qui correspondent à ces deux systèmes. Mais ceci est encore un peu à l'étude. Maintenant, la question qui se pose, c'est au-delà de ces deux groupes où les faits sont acquis, est-ce qu'il y a d'autres groupes qui sont capables de douleur et de souffrance? Et alors, il y a des discussions dans lesquelles je ne peux pas rentrer ici, mais avec des arguments pour au moins les crustacés décapodes, comme les crabes, les homards, les crevettes, et puis les abeilles. Donc il y a des discussions sur ces deux groupes. Cet ensemble de résultats qu'on vient d'évoquer suggère qu'en ce qui concerne sa nature, l'être humain est un animal, avec des particularités bien sûr, intellectuelles notamment, mais c'est un animal qui fonctionne comme un autre animal et qui a les mêmes maladies que les autres, si j'ose dire. La question maintenant est de savoir si l'homme reste également un animal en ce qui concerne son intelligence, sa culture. Parce que les post-cartésiens ont beaucoup dit, entendu, Descartes s'est trompé, l'homme est un animal, bien entendu, pour sa nature, mais en ce qui concerne la culture et l'intelligence, c'est pas vrai. Il est beaucoup plus intelligent que les autres, et il a une culture que les animaux ne possèdent pas. Et ça, c'est pas tout à fait vrai. Il y a toute une série de travaux de neurobiologie et d'éthologie qui montrent actuellement que il y a des protocultures chez les animaux, même des cultures quelquefois compliquées, et qu'il y a des formes d'intelligence, de mémoire, de conscience chez les animaux aussi. Et donc, dans tout ce domaine intellectuel, la coupure n'est pas si franche que ça entre l'homme et les autres animaux. Beaucoup d'animaux utilisent des outils, voire des langages, des règles morales dans certains groupes d'animaux, voire des choix esthétiques, des préférences pour certaines couleurs ou pour certaines formes. Donc tout cela, ce sont des éléments qui montrent qu'il y a des cultures chez les animaux. 5 mars 2017, France Inter, la primatologue Emmanuelle Puy-Débat. Déjà, il y a des observations en milieu naturel hein, qui montrent que les chimpanzés peuvent se fabriquer différentes branches pour aller chercher du miel, aussi pour aller récupérer de la moelle osseuse dont ils raffolent, pour récupérer des termites. Et après, en captivité ou en contexte de laboratoire, il y a différentes expériences qui justement cherchent à préciser quelles sont les stratégies qu'ils mettent en place pour ça. Je vais parler de cet exemple du petit singe capucin parce que ça change un petit peu aussi des grands singes où on lui donne une grosse pierre qui n'est pas du tout façonné. À côté, il y a un tube à essai avec dedans du sirop dont il raffole. Et ce tube à essai est fermé par du film plastique. Et donc, il faut qu'il fabrique son éclat. Et ensuite, avec cet éclat, il faut qu'il perce le film plastique. Et ensuite, il faut qu'il aille chercher une branche pour extraire de la nourriture. Voilà un bel exemple d'utilisation d'outils chez les animaux. Il y en a des quantités d'autres. Maintenant, on a montré des utilisations d'outils chez les singes, bien entendu, chez beaucoup de mammifères, chez beaucoup d'oiseaux, chez des crocodiles et même chez les pieuvres. Chez les pieuvres, par exemple, une pieuvre peut ouvrir un bocal pour dévisser un bocal pour aller chercher un crabe appétissant pour le consommer. En Indonésie, les hommes jettent des demi-noix de coco vidées dans la mer. Et les pieuvres, qui sont des êtres mous, ont appris à se protéger avec ces demi-noix de coco, d'utiliser soit une demi-noix de coco pour faire une sorte d'armure, soit même 2 demi-noix de coco l'une sur l'autre pour faire une espèce de cabine où on peut se reposer. En d'autres termes, elles ont instrumentalisé des outils fabriqués par les hommes. Chez les crocodiles, on a décrit par exemple des crocodiles qui, pour attirer des oiseaux, prennent une petite branche dans leur museau et pour que l'oiseau se pose sur la branche pour qu'il puisse l'attraper plus facilement. Chez les oiseaux, il y a des quantités d'exemples de grives qui cassent des escargots sur des pierres qu'on appelle les enclumes à escargots. Des pinsons des Galapagos ont un bec très court. Ils vont arracher une épine de cactus et, à l'aide de cette épine, piquer les insectes dans les anfractuosités du cactus pour les attraper. Certains oiseaux d'Australie se font des tampons colorés qui se badigeonnent le plastron pour aller parader devant leurs femelles. C'est le début de la cosmétique. Les chimpanzés, on en a parlé beaucoup, il y a des quantités d'exemples. Ils peuvent casser des noix avec des techniques de casse qui se transmettent de parent en enfant, ce qui fait que telle population de chimpanzés a une technique de casse particulière qui n'est pas la même que les techniques de casse du voisin. Les chimpanzés peuvent même fabriquer ce qu'on appelle des méta-outils. Le méta-outil, c'est un outil qui sert à fabriquer un autre outil. Eh bien, lorsque l'enclume en pierre qui permet de casser les noix bouge, qu'elle vacille, le chimpanzé est capable d'aller chercher une cale, une première cale ou une deuxième cale, qui sont en quelque sorte des méta-outils qui vont stabiliser l'enclume sur laquelle ils vont casser leur noix. Vous voyez qu'il y a des quantités d'exemples, et on peut aussi citer les nids. Beaucoup d'animaux fabriquent des nids, soit pour dormir, soit pour élever leurs petits. Donc il y a une instrumentalité extrêmement répandue, au moins chez les céphalopodes et chez les vertébrés. We were always dreaming. C'était Psychostar par King Tuff. Les aventuriers sur France Inter. On a longtemps cru que le rire, la conscience de soi ou la morale étaient des comportements réservés aux êtres humains. Mais les chercheurs ont fait reculer ces frontières. Georges Chapoutier, neurobiologiste et philosophe, directeur de recherche au CNRS. Il y a chez les animaux des communications qui peuvent être complexes. On connaît le chant des oiseaux, par exemple. Toutes sortes de communications, olfactives, auditives, visuelles. Les éthologistes distinguent les communications du langage. La communication est du ressort du présent. C'est-à-dire si on traduit une communication d'un oiseau, par exemple, un cri, ça peut être interprété de façon langagière comme « j'ai faim, j'ai soif, attention à un prédateur, je veux copuler, ceci est mon territoire ». Donc c'est du niveau du présent. Pour les éthologistes, le langage fait référence à un passé, c'est-à-dire quelque chose qui n'est plus présent dans l'environnement du locuteur lorsque celui-ci fait son rapport. Et des langages en tant que tels, il n'y en a pas beaucoup chez les animaux. Mais il y a des exemples. D'abord, le fameux langage des abeilles, proto-langage. Une abeille qui trouve une source de nourriture revient à la ruche et par une danse particulière, elle communique à ses congénères qui n'ont jamais vu la source de nourriture, la direction par rapport au soleil, la distance et peut-être la quantité de nourriture. Donc évidemment, c'est un proto-langage d'une extrême simplicité, deux ou trois mots, pas de règle de grammaire. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est bien la communication d'un élément qui n'est pas présent dans l'environnement. Donc il y a l'ébauche d'un langage chez ces animaux que sont les abeilles. Alors, plus compliqués sont les proto-langages que l'être humain peut enseigner à des chimpanzés ou à des gorilles. Comme ceux-ci n'ont pas les structures vocales permettant de parler, ce sont soit un langage gestuel, le langage des sourds-muets, soit des langages arbitraires sur un écran d'ordinateur, par exemple, un carré rouge pour une pomme, un rond jaune pour une banane, et ainsi de suite. Et grâce à cela, les chimpanzés peuvent apprendre jusqu'à plusieurs centaines de mots et quelques règles de grammaire simples. Quelques exemples. Un chimpanzé avait appris le lait, une voiture et écouter. Un jour, arrive le laitier, et c'était une chimpanzé d'ailleurs, elle a dit « j'entends la voiture du laitier » avec des gestes. Un autre exemple, un chimpanzé qui était en cours d'apprentissage avait appris les couleurs, les principales couleurs, et deux fruits, la banane et la pomme, mais pas l'orange. On lui présente une orange et il a affiché sur le tableau « donne la pomme couleur orange ». Dernier exemple, mais il y en a des dizaines comme ça. Un chimpanzé avait pris le mot sale, ma cage est sale. Et puis un jour, son expérimentateur ne voulait pas l'emmener se promener. Et donc il a affiché sur l'écran « sale bonhomme ». C'est-à-dire qu'il a transféré l'aspect concret à quelque chose de plus abstrait. C'est très amusant. Il ne faut pas dire que le chimpanzé est un homme pour autant. C'est du niveau d'un enfant qui commence à m'habiller, qui dit « minou, mémé, salon ». Mais c'est amusant que le chimpanzé soit capable de cela. Et il y a au moins un exemple de situation où une mère qui avait appris ce langage des signes l'a transmis à son petit. Donc c'est une forme de culture. Bien sûr, encore une fois, le chimpanzé n'est pas un homme. Bien sûr, le chimpanzé, à notre connaissance, n'a pas ce langage dans la nature. Ça n'a jamais été mis en évidence. Donc c'est l'homme qui lui enseigne. Et peut-être qu'il y a des langages autres dans la nature qu'on ne connaît pas. On ne sait pas très bien comment communiquent les dauphins. Il y a beaucoup d'études là-dessus. Dans l'état actuel des choses, les langages animaux, c'est quand même des exemples assez rares. Février 2011, à la télévision américaine, Alex, le perroquet gris du Gabon, interrogé par l'éthologue Irène Pepperberg. Alex, quel objet est vert avec quatre coins ? C'est très très bien. Voici la laine. Ce que fait ici Alex, ce n'est pas de l'imitation, c'est du raisonnement. Il sait ce que représente chacun des objets. Et il comprend qu'on veut parler d'un objet. Ensuite, il sait que cet objet a certaines caractéristiques et il comprend qu'on lui demande de quelle matière l'objet est fait. C'est un exercice qui est très compliqué et qui est impossible à résoudre sans raisonnement. Alex, combien vois-tu de blocs verts ? Très bien, il y en a cinq. Maintenant, dis-nous combien sont en laine orange ? Oui, trois sont en laine orange, c'est très bien. Good parrot. Very good. Alors le cas des perroquets est un peu particulier. Parce que eux, ils ont la capacité d'exprimer des mots, de façon orale, si j'ose dire. Et donc, ont-ils un langage ? Alors dans l'état actuel des choses, ils n'ont pas un langage au sens où on l'évoque de transmission d'éléments qui ne sont plus présents dans l'environnement. Ils peuvent dire des choses, mais pas sous forme de langage tel que je l'ai évoqué tout à l'heure. En revanche, Irène Pepperberg, aux États-Unis, a montré que, indépendamment de cette question du langage, les perroquets font des choses extraordinaires. Les perroquets sont des animaux sociaux, comme nous, qui vivent plusieurs dizaines d'années, et ils peuvent apprendre à faire des choses absolument hallucinantes. Pepperberg leur fait, par exemple, grouper des objets selon la couleur, selon la forme, exprimer ce que c'est la notion de différent ou de similaire, compter jusqu'à 5 ou 6, etc., etc. Et elle avait éduqué un perroquet qui s'appelait Alex, qui a fait des choses tout à fait remarquables. Et Alex étant devenu âgé, elle a voulu que Alex transmette son savoir à des jeunes perroquets. Elle a pu montrer que lorsqu'il était avec Pepperberg, Alex donnait les bons résultats, il groupait les objets par exemple en bleu, rouge, noir. Et lorsqu'il était avec des jeunes perroquets, il faisait exprès de se tromper pour induire les jeunes en erreur. Un autre rapprochement qu'on peut faire dans les cultures entre l'homme et les animaux, ce sont les traits moraux. Une morale, c'est un ensemble de règles qui fait que dans un groupe, l'animal ne peut pas faire n'importe quoi. Ça vaut pour les groupes organisés, ça vaut aussi pour la famille. Dans une famille, un enfant ne peut pas faire n'importe quoi avec ses parents. Et il y a un certain nombre d'auteurs qui ont montré qu'il y avait dans des groupes d'animaux ce qu'on peut appeler des règles proto-morales. Ça a été beaucoup étudié par Deval sur les chimpanzés, dans des troupes en semi-liberté. 4 octobre 2016, l'éthologue Franz Deval dans la matinale de France Inter. Nous, on travaille par exemple sur le sens de justice, sur le petit singe. On donne des... Un singe travaille par exemple pour des grains de raisin, une autre qui travaille pour des morceaux de concombre, et le raisin est beaucoup mieux que le concombre. Oui. Et celui-ci qui travaille pour le concombre va arrêter de travailler un certain moment. Normalement, il peut faire 25 fois la tâche qu'on donne, mais si l'autre reçoit une récompense mieux, il arrête de travailler. C'est un peu comme, il fait une grève en fait, il fait une grève pour être mieux payé. Donc ça, c'est les travaux de Deval, c'est les travaux les plus intéressants concernant les proto-morales chez les animaux actuellement. Il y en a d'autres, hein. Il y a un groupe à Nanterre qui s'est montré qu'il y a des proto-morales chez les perroquets, par exemple, hein. Mais Deval a bien avancé les choses, et il a montré qu'on trouve dans les troupes de chimpanzés des comportements que nous qualifierions comme moraux. Sympathie, attachement, intérêt pour les jeunes, aide aux handicapés, punition, négociation, coopération, réconciliation. Je cite Deval. Le pardon n'est pas une idée mystérieuse et sublime que nous devons à quelques millénaires de judéo-christianisme. Le fait que les singes, les grands singes et les hommes ont tous des comportements de réconciliation signifie que le pardon a probablement plus de 30 millions d'années et qu'il est antérieur à la séparation intervenue dans l'évolution des primates. Et voici Bernard Lavillier sur France Inter, Paris la Grise. Cette mélodie qui longe la Seine, du quai des Tournelles à l'île Saint-Louis, je la fredonne et pense à Verlaine, à François Villon, perdu dans la nuit. Mais pour retenir cette ombre qui passe et qui fait semblant de n'être qu'une ombre qui brille et s'efface au fil du courant. Une mélodie des hauts de Belleville, une chanson d'Apache, un refrain d'avant qui n'existe plus que dans les vieux films, quand le paradis avait des enfants. 3 heures du matin, quand passe le crime sur les maréchaux, le sang et la peur sont dans les vitrines ou les caniveaux. Comme un drap froissé, le ciel se déplie sur la ville grise, un soleil mouillé réchauffe les eaux de l'académie, l'heure où les poètes sont sur le pavé. C'est la chanson de Paris la Grise qui tiendra le jour entre ses deux mains, sur un air venu du temps des cerises, un accordéon en joue le refrain. C'est la chanson de Paris la grille qui tiendra le jour entre ses deux mains, sur un air venu du temps des cerises, un accordéon en joue le refrain. Intelligence animale avec Georges Chapoutier, neurobiologiste et philosophe, directeur émérite de recherche au CNRS. Donc, en ce qui concerne les cultures, les animaux, on l'a vu, sont capables d'utiliser des outils, ils sont capables d'avoir des communications et même des langages, des proto-langages, et ils peuvent avoir des choix moraux, des principes moraux dans les troupes, notamment de chimpanzés. Une dernière chose qu'on peut signaler sur la culture, c'est les choix esthétiques. Beaucoup d'animaux préfèrent certaines couleurs, certaines formes, certains motifs de chant pour les animaux qui chantent. J'emprunterai à Michel Kreutzer, éthologiste français, la définition de ce goût pour le beau. Voilà ce que dit Michel Kreutzer. Le goût pour le beau trouverait son origine dans l'attrait qu'exercent les partenaires sexuels. Ensuite, on peut imaginer que ce goût fut, secondairement, étendu à d'autres domaines. Ça veut dire que, d'abord, l'animal préférera le rouge si son partenaire sexuel est rouge, et ensuite, de façon abstraite, il préférera les objets rouges. On trouve d'ailleurs un enracinement du choix esthétique dans la sexualité qu'on va retrouver dans l'espèce humaine. C'est pas un secret que dans l'espèce humaine, beaucoup de tableaux et de sculptures présentent des femmes nues. Donc il y a bien un enracinement sexuel au départ. On peut trouver de très nombreux exemples de traits esthétiques chez les animaux. Par exemple, les oiseaux, certains oiseaux et les hommes dansent de la même manière. Les mouvements de danse sont les mêmes. Les animaux préfèrent des couleurs saturées, brillantes, primaires. Ils préfèrent les formes courbes, les symétries, les rythmes en ce qui concerne les motifs musicaux. Je voudrais ici citer Lestel, qui est un chercheur qui a beaucoup travaillé là-dessus, qui dit, Dominique Lestel dit, « Dans leur chant, les oiseaux évitent les extrêmes de la régularité mécanique comme ceux de la simple diversité aléatoire. Il y a bien un choix pour des motifs qu'ils aiment bien. » Les baleines, qui chantent aussi, selon Lestel, composent et bricolent leurs chants avec une indéniable créativité et une grande ingéniosité. Donc, tous ces exemples montrent qu'il y a des préférences esthétiques chez les animaux. Alors, à quelques exceptions près, il n'y a pas d'œuvre d'art chez les animaux. C'est-à-dire que l'animal ne va pas fabriquer un outil joli qu'il va les regarder après. Il y a quelques exceptions qu'on peut citer. Certains poissons font des rosaces de sable sur le sol pour attirer la femelle. Et le mieux, c'est l'oiseau à berceau d'Asie du Sud-Est, qui fait ce qu'on appelle des berceaux, mais qui n'ont rien à voir avec les berceaux au sens commun du terme. Ce sont des sculptures abstraites. Il plante des tiges dans le sol. Il fait un parterre d'objets groupés selon la couleur, rouge, bleu, jaune, etc., etc. Et donc, cette sculpture abstraite, si j'ose dire, va rester un certain temps présente et attirer la femelle. Plus la structure est compliquée, plus elle est élaborée, plus la femelle va vouloir s'accoupler avec le mâle considéré. Indépendamment de ces œuvres d'art qui sont rares, dans le règne animal, bien entendu, l'homme ne s'est pas privé de distribuer des pinceaux et des crayons de couleur à des chimpanzés. Et alors là, ça donne des œuvres d'art sollicitées, si j'ose dire, mais qui sont très intéressantes. Le chimpanzé centre son dessin, il préfère les couleurs vives, il préfère les courbes. Ça ressemble beaucoup au barbouillage d'un enfant de 3 ans qui commence à dessiner. Et ce qui est intéressant, c'est que ces tableaux de chimpanzés se vendent très cher sur le marché humain de l'art. Alors, outre ces données sur les cultures animales, il y a aussi toute une série de travaux sur l'intelligence animale. On peut montrer que les animaux ont de la mémoire et que les animaux ont de la conscience. La mémoire, on peut montrer qu'elle est composée d'éléments de plus en plus compliqués qui s'additionnent au fur et à mesure de l'évolution des espèces, si j'ose dire. En d'autres termes, que les animaux qui ont un système nerveux le plus simple ont des mémoires simples, comme l'habituation, la tendance à l'alternance. Puis les animaux qui ont un système nerveux plus compliqué ont ce qu'on appelle des conditionnements, comme le fameux conditionnement de Pavlov, comme le chien de Pavlov, qui sont de mémoire plus compliquées déjà. Puis les animaux qui ont des encéphales, des cerveaux beaucoup plus compliqués, sont capables de mémoires encore plus compliquées que cela, des mémoires, ce qu'on appelle cognitives, qui permettent de comprendre des concepts, par exemple. Et donc, l'homme a toutes ces mémoires qui s'additionnent, qui se juxtaposent, un peu comme dans une mosaïque, si j'ose dire. Mais il y a des mémoires, finalement, chez beaucoup d'animaux. Chez tous les vertébrés, et particulièrement les mammifères et les oiseaux, il y a des exemples de mémoire considérables. On parle toujours de la mémoire des éléphants, qui sont capables de souvenir beaucoup de choses, qui vont retrouver leurs ancêtres décédés dans les fameux cimetières pour éléphants. Mais il y a des quantités d'autres exemples de mémoire, bien sûr, assez considérables. L'écureuil qui se souvient de l'endroit où il a mis ses noisettes pour passer l'hiver. Même chose pour des oiseaux qui font des stocks de nourriture, etc., etc. Alors, autre point essentiel, et là on va retrouver les vieilles objections de Descartes, les animaux ont-ils une conscience? Sont-ils conscients? Alors, plus personne ne défend les thèses défendues par Descartes et Malebranche, selon laquelle les animaux n'avaient pas de conscience. Et de fait, les animaux les plus céphalisés, ceux qui ont le système nerveux le plus compliqué, ont clairement des formes de conscience. On distingue notamment deux grands types de conscience. Ce qu'on appelle la conscience d'accès, c'est-à-dire la conscience de l'environnement, et puis la conscience de soi. Je me sens conscient, je suis conscient d'être conscient. Alors la conscience d'accès, pour des tas de raisons qu'on peut montrer expérimentalement, elle existe chez les vertébrés et chez les céphalopodes, sans aucun doute. Personne ne va conseiller aujourd'hui le fait qu'un chien est conscient du fait que à tel endroit, il y a des sources de nourriture, un autre endroit, on risque de tomber, un dernier endroit, il y a un monsieur qui donne des coups de bâton, il faut mieux pas y aller, etc. La conscience des animaux, comme les mammifères par exemple, n'est plus mise en doute par personne. La conscience d'accès. Autre est la conscience d'être conscient, la conscience de soi. Alors ça, c'est très intéressant. Il y a une série de travaux qui suggèrent qu'il y a au moins, chez certains animaux, l'ébauche d'une conscience de soi. Ça se démontre par le test du miroir. Ça a été démontré chez des chimpanzés, des dauphins, un éléphant et une pie, pour le moment. Je vous le donne pour les chimpanzés. Vous avez un chimpanzé qui dort et vous peignez sur son front une tache de peinture à gauche. Le chimpanzé se réveille, vous lui tendez un miroir et il cherche à effacer la tache, montrant qu'il se reconnaît dans le miroir, qu'il ne pense pas que c'est un autre chimpanzé. Alors bien sûr, ça pose beaucoup de problèmes parce que ça ne marche qu'avec des animaux visuels. On a d'autres animaux comme des chiens très intelligents, dont on sait qu'ils sont très intelligents par de très nombreux tests, et les chiens ne répondent pas aux tests du miroir parce que probablement ils n'ont pas l'équivalent d'un miroir olfactif. Ils sont beaucoup plus olfactifs que visuels. Donc le test du miroir ne résout pas tous les problèmes, mais il démontre au moins que chez certains animaux, il y a une conscience de soi. Alors, parvenu à ce point, on vient de voir que, en ce qui concerne leur nature, les hommes ne diffèrent pas des autres espèces animales. La question qui est maintenant, qu'est-ce qui reste à l'homme, du coup? Si c'est vrai que nous sommes le troisième chimpanzé, qu'on ressemble beaucoup à un chimpanzé, est-ce qu'on est différent des animaux, et notamment de nos cousins chimpanzés? Fin octobre 2002, le paléo-anthropologue Pascal Pic, dans l'émission Interception sur France Inter. Le problème, c'est que tout ce qui a été énoncé comme humain, depuis quand même assez longtemps, l'a été en l'absence totale de ce qui nous entoure. C'est-à-dire, on a dit l'homme c'est l'outil, on s'aperçoit qu'il y a des cultures chez les chimpanzés, l'homme c'est la bipédie, les bonobos sont bipèdes, l'homme c'est une certaine forme de sexualité, les bonobos, à cet égard, sont même peut-être un peu meilleurs que nous, si on prend ce critère-là. Pour la politique, les chimpanzés font de la politique, partage de la viande et de la nourriture, les chimpanzés le font, les bonobos un peu moins. Enfin bref, tous les critères du propre de l'homme, même la communication symbolique, certaines formes de langage, en tout cas, se retrouvent chez les grands singes d'une manière ou d'une autre. Depuis toutes ces observations, nous en sommes amenés à nous reposer la question de qu'est-ce que l'humain. L'humain est une évidence qui nous saute aux yeux, parce qu'on sait voir un homme, on sait voir un bonobo, mais en termes de description, de concept ou autre, là, il faut que l'on retravaille nos définitions. Tout ce qu'ils font comme nous, de deux choses l'une, ou ils l'ont acquis indépendamment, ou ça vient de nos origines communes. Pascal Pic a tout à fait raison de dire que chaque fois qu'on a voulu donner une différence entre l'homme et les, entre guillemets, autres animaux, notamment nos proches parents que sont les chimpanzés, on s'est aperçu que finalement, la différence n'était pas si grande que ça. Donc la question se pose, qu'est-ce qui nous reste, si j'ose dire? Alors, ce qui nous reste, c'est à mon avis, une capacité intellectuelle plus forte. C'est-à-dire que le fait qu'on ait un cerveau très puissant nous permet des choses que les autres chimpanzés, si j'ose dire, ne font pas. Faire des mathématiques, prévoir des tracés par des équations, etc., etc. On a un cerveau surpuissant avec beaucoup de cellules nerveuses qui fait que on fait des choses beaucoup plus compliquées, qui nous permettent de faire des outils pour aller dans la Lune, etc., etc. Alors la question de fond qui se pose à ce niveau-là, et qui est pas claire, sur laquelle tout le monde n'est pas d'accord, c'est est-ce que la différence est une différence de quantité, par rapport à nos cousins chimpanzés, ou est-ce que la différence est qualitative? Est-ce que l'homme bascule dans un autre mode d'être? Alors c'est un peu les deux, donc là la question est difficile. Il faut ajouter, écoute, outre cette grande intelligence de l'espèce humaine aussi est une espèce juvénile sur un plan intellectuel, cérébral. On dit en sciences néoténiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre cerveau est adapté à tout comme celui d'un jeune. Déjà sur le plan physique, nous avons des traits juvéniles. Il est clair que on ressemble à un fœtus de chimpanzé. On a une grosse tête, de gros yeux, pas de poils, etc. Mais la thèse néoténique pense que le cerveau lui-même est un cerveau jeune et donc adapté à tout. Un jeune, ça s'adapte à tout. On s'adapte aussi bien au bien qu'au mal. Et c'est un des dangers de l'espèce humaine, c'est que on est beaucoup moins figé dans un cadre que ne sont les autres espèces animales. On est des êtres très, très intelligents sur le plan relationnel, rationnel, mais on s'amuse tout le temps et on fait souvent des choix qui ne sont pas des choix sérieux, rationnels. Parce qu'on s'amuse, on joue. Vous regarderez dans la télévision le nombre de fois où le jeu est invoqué. Mieux que cela, les deux animaux qu'on a adoptés comme animaux de compagnie principaux, le chien et le chat, sont aussi des juvéniles. Ce sont des animaux qui jouent comme nous sans arrêt, jusqu'à la fin de leur vie. Par ailleurs, ils ont des traits physiques de jeunes aussi. Les oreilles pendantes de certains chiens, ce sont des traits de canidés juvéniles. Le ronronnement du chat est un trait de félin bébé. Donc on a adopté comme compagnons des êtres qui sont des êtres juvéniles comme nous. Alors le fait qu'on soit des juvéniles, ça a des conséquences assez fortes. C'est que c'est vrai qu'on est très intelligent, mais que souvent, on ne tient pas compte de notre intelligence et on fait beaucoup de bêtises. Alors parmi ces bêtises que nous faisons, on fait beaucoup de bêtises chez nous, je pense aux guerres, tortures, etc., qui sont une des spécificités de l'espèce humaine, mais on fait aussi beaucoup de bêtises vis-à-vis des animaux qui nous entourent. Et justement, on vient de montrer que les animaux sont si proches de nous, au moins les animaux qui sont très intellectualisés, les plus intelligents, mais même beaucoup d'entre eux qui sont moins intelligents et qui sont sensibles, qui ont une sensibilité, cela implique que nous avons, à leur égard, nécessité d'être beaucoup plus plaisants, beaucoup plus compréhensifs, de les traiter mieux que nous les traitons. Puisqu'ils ont, comme nous, des capacités de douleur, de souffrance, il importe que nous les traitions en tenant compte de ces capacités, de ne plus faire avec les animaux n'importe quoi. Et ça, c'est un très long chemin, parce que dans le comportement actuel de l'espèce humaine, nous traitons les animaux encore beaucoup de façon cartésienne comme des objets, et il serait grand temps que ça change. Un exemple que je prends qui est spectaculaire, c'est le traitement de l'animal dans nos élevages industriels et nos abattoirs, qui sont abominables, et où là, les animaux sont traités comme des machines à produire de la viande, sans aucun souci pour leur sensibilité ou pour leur intelligence. Alors, bien sûr, il y a bien d'autres domaines. On peut parler aussi de la corrida, où on fait souffrir un animal pour un simple amusement, de la chasse, de l'expérimentation animale, où à ce moment-là, on fait souffrir l'animal pour un bénéfice pour notre espèce. C'est un tout autre problème qui peut se poser aussi. Toutes sortes de traitements de l'animal, y compris les animaux de compagnie, que nous ne traitons pas toujours comme nous devrions. Il y a des abandons de façon assez sordide d'animaux à la veille des vacances, etc. Donc, il y a toute une façon de voir qui vise à renouveler la façon dont nous traitons les animaux et qui est très importante. Je suis de ceux qui pensent que dans une société de droit comme la nôtre, le respect de l'animal doit s'exprimer en termes de droit. Donc il faut que la loi donne des droits aux animaux. Il y a eu une déclaration philosophique qui va dans ce sens, qui est la Déclaration universelle des droits de l'animal, dans sa dernière formulation de 1989, qui vise à ce que l'homme donne des droits aux animaux pour ce que même ceux des hommes qui ne les aiment pas ne fassent pas avec eux n'importe quoi. Et on va vers cela, on va vers le fait que, petit à petit, dans la loi, maintenant, il y a des choses qui font qu'on ne peut plus faire n'importe quoi avec les animaux. On est encore loin du compte, mais la société évolue clairement dans ce sens. Depuis l'époque de Descartes, qui n'est pas si vieille que ça, c'est il y a quelques siècles, il y a vraiment quelque chose qui est en train de changer aujourd'hui, grâce à la science et grâce à nos connaissances sur les animaux, dans notre relation aux animaux et à leur bien-être. Georges Chapoutier est l'auteur de nombreux livres sur le cerveau et sur les animaux. Le dernier, « L'homme, l'animal et la machine » est paru chez CNRS Éditions. Vous pouvez aussi retrouver Georges Chapoutier dans « Les grandes épopées qui ont fait la science ». Ce livre est paru chez Flammarion en partenariat avec France Inter. N'hésitez pas non plus à podcaster les émissions de cette série. Toutes, oui, toutes sont à votre disposition sur le site de France Inter. Clément Baudet réalise Les Aventuriers, Irène Menahem a préparé cette émission, à la programmation musicale Djoubaka, à la prise de son Clément Vuillet et Raphaël Rousseau. Merci aussi à Romain Couturier de la discothèque de Radio France. Demain, Noreen Chai, vétérinaire à la ménagerie du Muséum national d'histoire naturelle, parlera des émotions des animaux. À demain!